chanter l'amour. Doudou pour qui ou pas la guerre, moi serré, moi y'en vipléré. Assez bon à vie en moi, l'amour passé par arrêté. Il était belle comme arc-en-ciel, mais bon coup les pas te fait pour moi. Bon Dieu vous qui en ciel là, divisé longueur à peine en moi. Pas s'appliquer des voilà, fait des bons de l'eau à guerre en moi. Caresse à tout douleur, la pluie qui a tombé. Content, content, qu'on pipi vite. Il posait si blanche pour parler de l'homme.